histoire. 781. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Ou plutôt 781e. Voilà, là c'est mieux, hein? Oui. Et oui, c'est le nombre d'émissions qui nous rassemble. Et oui, qui nous rassemble. De la musique d'avant, de la musique d'après et de la musique de demain. Voilà, tous les ingrédients sont requis pour cette émission de Rendez-vous avec vous, 781e du nom. Et dans cette période un peu particulière de la nouvelle année, il faut bien le dire, nous sommes dans cette période nouvelle année, l'année 2019. Eh bien, on dit souvent Noël au balcon, Pâques au tison. Malheureusement, cet hiver, la neige, en tout cas dans notre région, elle a été un peu absente. Mais voilà, disons que avec la musique, nous pouvons tout simplement voyager. Et je vous propose, eh bien, de voyager un peu et aller par-delà les étoiles et faire tomber la neige. Les étoiles, la neige, ça vous inspire? C'est parti, on commence tout de suite. Thank you. nous étions donc parmi les étoiles de neige. Nous y étions avec Bernard Marly et Michel Laroche. Un duo, ah oui, un duo efficace, faut le dire. Allez, on va rester dans tout ça, hein, dans cette musique que l'on aime, avec, allez, pourquoi pas, mon manège à moi. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me prends dans je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Comme on est bien tous les deux quand on est ensemble nous deux. Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète. Tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flonflons de la fête et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre, pour qui elle se prend la terre. Parole, y'a qu'elle sur terre, y'a qu'elle pour faire tant de mystères. Mais pour nous y'a pas de problème, car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même. Car tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me prends dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Chercher à la ronde, mon manège à moi, c'est toi. Ah, je dois vous faire toutes mes excuses. Ah oui, je dois vous faire toutes mes excuses. Je suis impardonnable. Mais que voulez-vous ? Quand je suis avec vous, quelquefois, eh bien, je perds un peu la tête. Hein. Ah oui, oui, je perds un peu la tête tellement je suis heureux d'être en votre compagnie. Et heureusement que je viens de recevoir un petit coup de fil. Eh oui, un tout petit coup de fil qui m'a fait réaliser d'un seul coup, comme ça, que j'avais fait une bêtise. Eh oui, j'ai oublié de vous souhaiter une très bonne année. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. Que vos rêves se réalisent. Que tout ce que vous entreprendrez soit pourvu de réussite. C'est tout ce que je vous souhaite. Une très, très, très belle année avec beaucoup de santé. Et puis merci, merci Lulu de m'avoir tout simplement rappelé à l'ordre. Allez, pour le coup, eh bien, on va s'envoyer un petit coup de blanc. Voici le printemps, la douceur du temps vous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances.

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. De fleurs, laisse entrer le bonheur, fais qu'il garde sa place au fond de ton cœur. C'est un peu vrai, prendre un peu son temps, car bien évidemment, la vie est bien plus belle quand on prend le temps de la vivre, bien sûr. Quelquefois, on court à droite, à gauche, devant, derrière, partout, voilà. Et puis, on oublie, on passe à côté d'un certain nombre de choses, voilà. Prendre son temps, pourquoi pas, pourquoi pas. On continue avec... Oui, ça me plaît bien, ça. Oui, ça me plaît bien. Ouais. Il va nous dénicher on quelque chose. On l'appelait le dénicheur. Il était rusé comme une fouine. C'était un gars qui avait du cœur et qui dénichait des combines. Il vivait comme un grand seigneur. Et quand on rencontrait sa dame,

une valse musette. Salut les flonflons au son de l'accordéon. Salut la java, pas au tango et rumba. Les mélodies les plus belles dans nos têtes nous donnent le goût de la fête. Il faudrait que jamais ça ne s'arrête. Salut les guinguettes. Eh oui, salut les guinguettes, c'est notre ami qui nous chante tout cela avec, je vais vous proposer, j'y pense et puis j'oublie. Ça vous dit? Ça nous rappellera quelque chose. Clo-clo. Mais c'est pas clo-clo. Tout le monde me demande si je t'aime encore et si je pense encore à toi. Ils me demandent de parler de mon cœur, c'est triste depuis de longs mois. Je mens un petit peu et je dis fièrement, cette histoire est finie. Mais je dois avouer que certains soirs, peut-être, parfois j'y pense, et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Et quand ton souvenir revient me faire souffrir, très vite j'y pense et puis j'oublie. Tout le monde me demande si j'ai pleuré et si je pleure encore pour toi. Mais s'ils me le demandent, c'est tout simplement pour pouvoir rire de moi. Si je mens un petit peu, que je dis fièrement, je n'ai jamais pleuré de ma vie. C'est tout juste si les yeux me picotent un peu lorsque j'y pense, et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Et quand ton souvenir revient me faire souffrir, très vite j'y pense et puis j'oublie. Tout le monde me demande si je t'aime encore et si je pense encore à toi. Ils me demandent de parler de mon cœur, c'est triste depuis de longs mois. Je mens un petit peu et je dis fièrement, cette histoire est finie. Mais je dois avouer que certains soirs, peut-être parfois j'y pense, et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Et quand ton souvenir revient me faire souffrir, très vite j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. Mais j'y pense beaucoup plus que je n'oublie. Car tout au fond de moi, je sens que cet amour, j'y penserai toujours. J'y penserai. Voilà, un petit moment de bonheur encore avec Clo-Clo, qui n'était pas Clo-Clo qui chantait, bien sûr. La Java bleue, allez, un petit moment de Java, et puis après, on revient chez nous. C'est la Java bleue. Sorcelle, et que l'on danse les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a

ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Et que j'ai mal en crever, je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Oui, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Thank you. Allez, on va terminer cette première partie de l'émission avec un feu d'artifice. À Java, il était né une poupée. Une poupée si jolie qu'on eût dit un bijou ou un joujou qu'on adore et qui rend fou. Un étranger en passant la voyant lui dit: viens donc à Paris, ma jolie, les plaisirs et les désirs te feront reine ou démon. Riquita, jolie fleur de Java, viens danser, viens donner des baisers. Tes grands yeux langoureux en sorcelle, ton doux chant émouvant nous appelle. Riquita, jolie rêve. Riquita, elle le vit dans la folie de l'orgie. Un regard de ses beaux yeux fait d'un homme un malheureux. À tout le monde elle se promet, mais jamais son cœur n'a pu se donner ni aimer. Elle rit quand vous pleurez, elle pleure quand vous chantez. Riquita, jolie fleur de Java, viens danser, viens donner des baisers. Tes grands yeux langoureux en sorcelle, ton doux chant émouvant nous appelle. Riquita, joli rêve d'amour, on voudrait te garder pour toujours. Étranger, toi qui m'as dit qu'à Paris je trouverai le bonheur, moi j'en meurs. J'ai gardé la nostalgie du ciel bleu de mon pays. À ceux qui m'ont fait souffrir vos plaisirs, laissez-moi, je veux partir ou mourir. Cette nuit, un ange blanc m'a chanté cette chanson. Riquita, jolie fleur de Java, viens danser, viens donner des baisers. Tes grands yeux langoureux en sorcelle, ton doux chant émouvant nous appelle. Riquita, joli rêve d'amour, on voudrait te garder pour toujours. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Eh oui, sur le 91 et sur le 102.5, votre radio locale, Sorgia FM, la radio valse renoise. Eh oui, c'est comme ça qu'il faut désormais l'appeler. C'est plus la radio belgardienne, c'est la radio valse renoise. Eh oui, la nouvelle commune prend forme, la nouvelle commune a débuté dans sa finalisation, on va dire, ce 1er janvier dernier, tout simplement, et puis elle va courir, elle va se mettre en place comme ça, tout doucement, jusqu'aux nouvelles élections de l'année 2020, tout simplement. Voilà, en attendant, elle se met en place. On l'appelait affectueusement, très affectueusement, la Chipie. On l'a dénommée ainsi parce que c'était une fidèle de chez fidèle, toujours à l'écoute du 91, du 102.5, de nombreux coups de fil. Elle nous a quittés à la fin de l'année dernière. Les derniers jours de 2018 ont été terribles pour la famille. La Chipie nous a quittés, mais elle est toujours là. Elle est toujours là par son esprit. et un petit clin d'œil là-haut où elle est en ce moment. Elle aimait beaucoup un monsieur, Luis Mariano. Eh bien, nous allons, dans cette émission, lui dédier un beau bouquet de violettes par Luis Mariano. Pour vous, Chippy, qui êtes là-haut et qui nous regardez, je le sais, parce que vous êtes de celles que l'on nomme nos fidèles. Ses fleurettes, quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons, cueillons ces fleurettes, car au fond de mon âme, il n'est qu'une femme. C'est toi qui seras toujours mon seul amour. Violetta, mon ami, si jolie. Violetta, je t'en prie, n'aie pas peur de la vie. Il faut perdre la tête et songer que l'amour est comme ces violettes. Il se fane un beau jour. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons, cueillons ces fleurettes. Car au fond de mon âme, sera toujours mon seul amour. Elle nous avait confié un jour que souvent, lorsque elle se rendait dans le cimetière où Luis Mariano a été enterré, elle y déposait quelques violettes. Voilà. C'était la Chippy, que nous regrettons, bien sûr. Mais nous ne sommes pas les seuls à la regretter. Beaucoup d'entre vous qui l'ont connue la regrettent aujourd'hui. Merci Alain. Ma mère chantait toujours la chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour est un matelot qui, pour gagner le cœur des filles, leur promettait des jours plus beaux sous le ciel des Antilles. Bien vite, elle lui rendait les âmes et quand il repartait sur l'eau, leurs larmes allaient grossir les flots. Ma mère chantait toujours la la la, une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu te souviendras à ton tour de cette chanson-là. Mais un jour le matelot fut tué d'un coup de couteau. Ensuite j'ai oublié les mots, mais la fin je m'en souviens. Aussitôt qu'ils sont amoureux, tous les hommes sont des matelots. Dans leurs yeux dansent des vagues bleues. Ma mère chantait. Une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu la chanteras à ton tour en souvenir de moi. D'amour à te donner, tu vois. Je n'ai pas d'amour, moi j'ai tout donné. Habillé pour l'hiver par l'armée du salut et le vent mauvais souffle à travers les rues. Non, non, tu le sais, n'appartient qu'à toi. Le cœur de l'Afrique vole en éclats, tu vois. Les cours des marchés s'effondrent au plus bas. Tu peux traverser l'océan dans un avion d'argent et puis boire chaque soir comme s'il fallait en finir. Mais non, non, non, tu le sais, je n'appartiens qu'à toi. Je ne je suis pas bon, mais je fais des efforts, tu vois. Je n'ai que cette peau, mais c'est bien assez. Et lorsqu'il pleut dehors, alors pense qu'il pleut sur moi. Tu n'as jamais entendu que j'ai besoin de personne. Non, non, non, tu le sais, je n'appartiens qu'à toi. son froid au nord de la terre, tu vois. Et le ciel est noir au-dessus de nos cœurs. Et chaque nuit dans mon lit, je déteste la terre. N'appartient qu'à toi. Non, non, tu le sais. Je n'appartiens qu'à toi. Ah, heureusement qu'il y a la radio. Hein. Ah oui, oui, heureusement qu'il y a la radio. Depuis longtemps, sur la route, de ville en ville, chaque jour, j'ai parfois le cœur en déroute quand je pense à mes amours. Heureusement, y a la radio pour les longues nuits, pour les jours de pluie, loin de toi. Heureusement, y a la radio quand le soir descend et que j'aimerais tant que tu sois là tout près de moi. Et je roule au long de ma vie en m'écoutant toutes nos mélodies. Les refrains qu'on chantait tous les deux au bon temps de nos jours heureux. Heureusement, y a la radio pour les longues nuits, pour les jours de pluie, loin de toi. Heureusement, y a la radio quand le soir descend et que j'aimerais tant que tu sois là tout près de moi. Y a la radio pour les longues nuits, pour les jours de pluie, loin de toi. Heureusement, y a la radio quand le soir descend et que j'aimerais tant que tu sois là. Que tu sois là, tout près de moi. Heureusement, il y a la radio. Eh oui, heureusement, il y a la radio pour pouvoir, eh bien, tout simplement écouter de la bonne musique. Mais il n'y a qu'une seule radio dans le bassin belgardien. Pardon. Dans Valserone. Dans Valserone, il n'y a qu'une seule radio qui fait les programmes qui vous sont aussi chers. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres, c'est Sorgé FM. Et heureusement qu'elle est là. Mon cœur, ah oui, mon cœur vous dit « je t'aime ». La maison a l'air plus grande, surtout la chambre, où ne reste rien de toi que ton parfum. Je découvre en ton absence un vide immense en voyant s'ouvrir les roses du jardin. Je vis près du téléphone, mais quand il sonne, c'est jamais le coup de fil que j'espérais. Tu m'oublies et moi je chante. Mais si je chante, c'est seulement pour me retenir de pleurer. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime à chaque fois qu'il bat. C'est surtout lorsque je rentre que tu me manques. Il faut dire que chaque soir tu m'attendais. Et malgré ma solitude, par habitude, hier encore je t'ai fait chauffer du café. Je dois perdre un peu la tête, dans ma défaite, je t'invente et je ne sais plus où j'en suis. À nouveau tes yeux m'éclairent, j'ai ta lumière en couleur sur des photos, tu me souris. Mon cœur te dit je t'aime. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime à chaque fois qu'il bat. Cœur vous dit je t'aime, je vous aime, toutes et tous, bien sûr, qui êtes à l'écoute du 91 et du 102.5. C'est ma vie, c'est aussi peut-être la vôtre, c'est certainement la vôtre également, votre vie. C'est quelque chose auquel on tient, bien évidemment. La santé, c'est la vie, hein? Eh oui, tout simplement. Eh bien, c'est pour Raymonde. C'est pour Raymonde. Henriette, oui, c'est de la part d'Henriette pour Raymonde. Alors, j'ai un petit doute, mais voilà, ma vie, je vous la donne, je vous la présente, je vous la envoie. Ma chère Raymonde, de la part d'Henriette, bien sûr, chantée par Alain Barrière. Voilà. Je sais ça revient. Ma vie, mais selon le chemin. Il est long le chemin, ma vie. Eh oui, le chemin est parfois long, parfois un peu moins long. Et on a une pensée pour celles et ceux qui en ce moment eh bien, pensent à celle ou à celui qui les ont quittés. Parce que malheureusement, c'est aussi ça, la vie. La vie fait partie, la mort fait partie de la vie, comme on le dit très souvent. Une pensée pour celles et ceux qui sont dans cette peine aujourd'hui, dans ce début d'année. Cette fin d'année n'a pas forcément été rose pour toutes et tous, mais nous sommes là et nous essayons de vous apporter ces quelques mots de réconfort avec cette belle chanson, Les Matins Bleus. Si tu veux que nous fassions un bout de route ensemble, faudra vivre à ma façon, même si tu en trembles. Nous aurons des matins bleus et de si jolies plages, tant pis si tu pleures un peu. Par les jours de gros tangage, il faudra bien t'habituer à ma vie de vagabond. J'habite le monde entier, dit-on. Je n'ai pas un sou vaillant, mais tu auras ton content en amour et en chanson. Si tu veux que nous fassions un bout de route ensemble, te fais pas trop d'illusions. Trop souvent je me ressemble, nous aurons pour nous aimer tant et tant de semaines, et nous boirons sous l'été à l'eau vive des fontaines. Je ne suis peut-être pas si triste que tu le crois, aussi noir qu'on le disait, je sais. Et pour moi peut-être aussi, tout peut bien changer par lui, si l'aventure venait. Si tu veux que nous fassions un bout de route ensemble, viens avec moi et partons, que la route nous rassemble. Sans trop perdre de temps, le quart d'heure italien. Tu mi racconti di te, di un mondo che fu, di un vecchio mondo che ormai non può ritornare. Eppure mi è rimasto nel cuore l'amore che tu avevi per me. Vorrei tornare indietro per un momento, ma il tempo non si ferma, corre lontano. Io stringo a capire tutte le cose che tu sapevi da sempre. L'amore, l'amicizia, il dolore. Ricordo, le ho imparate da te. Vorrei tornare. Bye.

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Volano via, è l'alba e guardala il mare, canta la sua canzone a chi si vuole bene. Tutta la notte ho ballato con te, come se fossi già mia. Mi fai capire, devi sapere, che voglio amarti così. E vieni con me, vieni andiamo incontro all'amore, vieni con me, vieni vieni se vuoi, c'è una strada per noi dove il cielo non cambia colore, sei tu per me il concerto che nasce da un fiore, anche quando la pioggia cadrà, allora vieni con me, ogni giorno per te, ogni giorno per me, sarà solo un concerto d'amore. Se non ci fosse amore per te, inventerei la luna, ma quando il cielo è chiuso, mi basta il tuo sorriso. Stringimi forte, più forte che puoi, se è questo quello che vuoi. La nostra strada, male che vada, a casa ci porterà. Vieni con me, vieni andiamo incontro all'amore. Vieni con me, vieni vieni se vuoi, c'è una strada per noi dove il cielo non cambia colore. Sei tu per me il concerto che nasce da un fiore, anche quando la pioggia cadrà, allora vieni con me. Ogni giorno per te, ogni giorno per me, sarà solo un concerto d'amore. Vieni con me, vieni vieni se vuoi, c'è la strada che poi, dove il cielo non cambia colore. Sei tu per me il concerto che nasce da un fiore, anche quando la pioggia cadrà, allora vieni con me. Ogni giorno per te, ogni giorno per me, sarà solo un concerto d'amore. Il a du coffre, hein. Il a du coffre. Eh oui, c'est un méditerranéen, lui. Eh oui, c'est pas comme Hubert. Hubert, lui, c'est un haut savoyard. Que ce... Ouh là là, j'allais dire une bêtise. Haut savoyard. Bon, je... Il habite, en tout cas, dans le pays de Savoie. Voilà, je me rattrape comme je peux. Je me rattrape. Non, Saint-Jean-de-Six, oui, je crois bien que c'est en Savoie. Oui, je crois bien. Bon, faudra que je regarde et que je me renseigne. Che bello ritornare sull'ali del pensiero, ai tempi di un passato che non ho mai scordato. Rivivere così la prima gioventù, la casa e il focolare d'un amor che non c'è più. Ti del mio paese, dove felice con te vivevo senza aver pretese, come un amico gentil, il campanil della chiesa mi risvegliava al mattino con la campana festosa. E tarda sera già il babbo dal lavoro con la sua bicicletta ritorna a casa in fretta. Lo vedo come allora, felice di restare un po' con la famiglia per potersi riposare. Ti porto sempre nel cuor, casetta del mio paese, dove felice con te vivevo senza aver pretese, come un amico gentil, il campanil della chiesa mi risvegliava al mattino con la campana festosa. Campana festosa. Allez, on va pas perdre de temps, on continue. Quando il sole scende sera dentro me, una stella splende in cielo e penso a te. Ecco è giunto quel momento, torno a te amore mio. Tu mi manchi, senza te ragion non c'è. Rosso, rosse, rose. Valgono più delle parole e ascolterai il mio cuore che sussurrerà senza di te più ragione non c'è. Sì, sì, sì, son rosse rose. Sole, e parlerai del modo che mi accarezzavi amore e mi stringevi a te. Scivolava il suo bel fiore su di me e la luna sorrideva come se quel sorriso, oh quel sorriso, quante volte mi sfiorò con i fiori tra le mani, mi baciò. Rosso, rosse, rose. Ascolterai il mio cuore che sussurrerà senza di te più ragione non c'è. Sì, sì, sì, son rosse rose, crescono in sole e parlerai del modo che mi accarezzavi amore e mi stringevi a te. Sì, sì, sì, son rosse rose, crescono in me, sei tu il mio sole e parlerai. Questa valigia metto sogni e rimpianti, partirò con le luci che mi han conosciuta, che mi han vista giocare e bambina cresciuta, ed il fischio del treno sarà un grido d'amore, perché nulla divide ciò che è unito dal cuore. Paese mio, son partita ma vorrei tornare. Paese mio, no, non dovevi mai lasciarmi andare. Sembra oggi il ricordo di ieri, mentre il tempo va veloce ma piano. Paese mio, quanto ti odio, ma quanto ti amo. Mi hanno detto che parli di me a volte piangi, ma non hai esitato a prendermi a calci. Dalla gente del posto son gradita e amata, ma per te sarò sempre quella figlia l'ingrata. Io ti penso e mi arrabbio, ma dopo mi pento, perché in fondo sei tu che voglio, che cerco. Paese mio, son partita ma vorrei tornare. Paese mio, no, non dovevi mai lasciarmi andare. Sembra oggi il ricordo di ieri, mentre il tempo va veloce ma piano. Paese mio, quanto ti odio, ma quanto ti amo. Paese mio, paese mio, sembra oggi il ricordo di ieri, mentre il tempo va veloce ma piano. Paese mio, quanto ti odio, ma quanto ti amo. Sembra oggi il ricordo di ieri, mentre il tempo va veloce ma piano. Paese mio, quanto ti odio, ma quanto ti amo. C'est la toute dernière et c'est l'original. Ça va être parti. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fior. Allez, c'est avec cette dernière Bella Ciao que l'on se quitte. Je vous renouvelle tous mes voeux de bonnes et heureuses années et je vous retrouve très bientôt sur le 91, sur le 102.5. Merci de votre fidélité. Je vous aime, je vous embrasse. Et vous les femmes, je vous embrasse partout, partout, partout, partout. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sorgia FM